ne vois pas ce que j'aurais pu faire mieux. Partager un peu plus de moi-même. Peut-être croire un peu plus à nous deux. Dire plus souvent que je t'aime. Je ne crois pas à ma bonne étoile. Je ne veux pas te perdre ce soir. Tu ne crois pas qu'il y avait davantage à faire. Et qu'entre nous ça suffisait. Face à cela je ne peux que me taire. Et dorénavant assumer. Je ne crois pas à ma bonne étoile. Je ne veux pas te perdre ce soir. J'imagine autre chose entre nous. Et j'imagine que rien n'est fini. Et j'imagine autre chose entre nous. Et j'imagine ce que seraient nos vies. Si j'avais pu, oh rien qu'une fois. Si j'avais su, on ne t'en va pas. Bien quelque chose à ma vie. Maintenant je sais bien pourquoi. Ne pas construire qu'avec des si. Et garder l'or entre mes doigts. Je ne crois pas en ma bonne étoile. Je ne veux pas te perdre ce soir. J'imagine autre chose entre nous. J'imagine que rien n'est fini. J'imagine autre chose entre nous. J'imagine ce que seraient nos vies. Si j'avais pu, oh rien qu'une fois. Si j'avais su, on ne t'en va pas. Ce que j'aurais pu faire mieux. Partager un peu plus de moi-même. Peut-être croire un peu plus à nous deux. Dire plus souvent que je t'aime. Et j'imagine autre chose entre nous. J'imagine que rien n'est fini. J'imagine autre chose entre nous. J'imagine ce que serait nos vies. Si j'avais pu, oh rien qu'une fois. Si j'avais su, non ne t'en va pas. J'imagine autre chose entre nous. J'imagine que rien n'est fini. J'imagine autre chose entre nous. J'imagine ce que seraient nos vies. Si j'avais pu, oh rien qu'une fois. Si j'avais su.